résoudre en fauchant les blés. On crevait de soif dans la plaine, le cœur en feu je suis allée, voir à plat ventre à la fontaine, le froid de ma glace et les sangs. Et je meurs par ce temps d'automne, où l'on danse devant la tonne, durant les beaux jours finissants. J'entends les violons, Marie, ma petite que j'aimais bien, moi je n'ai plus besoin de rien, va-t'en danser à la prairie. J'entends les violons, Marie. Entre dans la ronde gaiement et choisis un beau gars dans la ronde et donne-lui ton cœur aimant qui resterait seul en ce monde. Oui, j'étais jalouse cet été quand un autre t'avait suivi. Mais on ne comprend bien la vie que sur le point de la quitter. J'entends Marie, va petite que j'aime bien, moi je n'ai plus besoin de rien, va t'en danser à la prairie. J'entends les violons, Marie. Plus tard tu te marieras, et quand la moisson sera haute, avec ton maman rue de bras, moissonnant un jour côte à côte, vous viendrez peut-être à parler, ému de pitié, gravé sobre, d'un gars qui mourut en octobre, d'un mal prison au champ les blés. J'entends les violons, Marie, va petite que j'aime bien, moi je n'ai plus besoin de rien, va-t'en danser à la prairie. J'entends les violons, Marie. Seguiremos con Le Chacal. C'était un type phénoménal, on l'avait surnommé le Chacal, un grand aux épaules magnifiques, l'air d'un sauvage un peu crâneur, il avait décroché mon cœur, comme ça d'un petit rire ironique. Le soir à l'heure de l'apéro, il s'amenait dans notre bistrot, toujours tout seul, sans un copain, en sifflotant un drôle de refrain. Il se mettait au bout du comptoir, le regard perdu comme sans rien voir. J'attendais toujours qu'il me couvre, qu'il remue un peu, fasse quelque chose. Mais il restait indifférent, en sifflotant entre ses dents. Personne connaissait son boulot, on en parlait derrière son dos, on disait qu'est-ce qui manigance. Les hommes le regardaient par en dessous, les femmes lui faisaient les yeux doux, parfois il y avait de grands silences. La peur montait dans les cerveaux, c'était un flic ce gars costaud, mais lui souriait avec dédain et leur crachait toujours son refrain. Les mains dans les poches du vaisseau, il semblait dire ce n'est donc. J'attendais toujours qu'il leur couvre, qu'il remue un peu, qu'il fasse quelque chose. Mais il restait indifférent, en si flottant entre ses dents. Et puis un soir qu'il faisait très chaud, que les nerfs étaient à fleur de peau et que ça sentait par tout l'orage, comme il gueulait son sacré refrain, un homme sur lui leva la main, alors il bondit pareil de rage. Il s'est battu sans dire un mot, mais eux les lâches, ils étaient trop. Alors bien sûr, je l'ai vu tomber, et là seulement, il a parlé. Pour le chacal, je crois que c'est fini, il était là, couché du dos. Jamais je ne l'avais vu si beau. Il avait froid comme de la fièvre, mais j'ai voulu goûter ses lèvres au moins une fois, car je l'aimais. On n'a jamais su ce qu'il cherchait. Plus de chacun, c'était fini. Y esto es Jay Dance, A ver el amor. Esto es Mon Amán de la Colonial. Il était fort et puis si tendre que dès notre première nuit, je sentais que je pourrais plus me reprendre et que pour toujours j'étais à lui. Je voyais toutes les femmes lui sourire, moi je me cramponnais à son bras et je les regardais comme pour leur dire, il est à moi, et je lâche pas. C'était un gars de la coloniale, il avait la barre dans du front et descendant jusqu'au menton. Une cicatrice en diagonale, des cheveux noirs, des yeux tout pâles, la peau brûlée par le soleil. J'en ai plus jamais vu de pareil à mon amant de la coloniale. Des fois quand il avait la fièvre, il parlait trop et j'avais peur. Je mettais la main sur ses lèvres pour pas connaître le fond de son cœur. Car je sentais que dans son âme, il y avait des larmes et du cafard. Longtemps j'ai cru que c'était une femme, quand j'ai compris, c'était trop tard. C'était un gars de la coloniale, il avait la barre dans du front et descendant jusqu'au menton. Une cicatrice en diagonale, des cheveux noirs, des yeux tout pâles, la peau brûlée par le soleil. J'en ai plus jamais vu de pareil à mon amant de la coloniale. Lorsque j'ai connu ma rivale, alors j'ai serré fort mes bras pour que cette grande garce, la coloniale, lui foute la paix et ne me le vole pas. Et lui, il m'avait dit, je reste, mais un beau jour, il est reparti vers ces pays que je déteste, dont il rêvait souvent la nuit. C'était un gars de la coloniale, il avait la partant du front et descendant jusqu'au menton. Une cicatrice en diagonale, je reverrai plus ses beaux yeux pâles, ses yeux qui n'ont pas leur pareil. Il est reparti vers son soleil, mon bel amant de la coloniale. Esto se llama La Java de Cécile. Cécile est un petit bonhomme, rose et joufflu comme une pomme, qui joue de l'accordéon le soir chez un bougnat de la rue de Charenton. Hop, faut le voir avec sa casquette, mise à la coffreur d'assiette, et son petit bout de mégon qui le fait sans arrêt clignoter des carreaux. Moi d'habitude la musique, c'est rigolo, ça me donne envie de rompier, ça me rend neurasthénique, et je m'en sens pas du tout pour gambier. Ah oui, mais quand c'est zig, en bras de chemise qui fait le zig, il tire des sons, son accordéon, et s'affiche le frisson. On vous comme dans les oreilles, que les javas sont tous pareils. Eh ben, ceux qui disent ça, ceux qui connaissent pas ses zig et sa java. Ah. Quand Cézy a fait une touche, la môme n'attrape pas les mouches. Et la carrée de l'hôtel devient subitement la succursale du ciel. Et puis après le béguin danse, pour un mot qui est pas en place. C'est fini de rigoler, Cézy qui s'est déguisé en machine vautrée. Mon masque ordinaire corrige une dame parce qu'il a le nerf agacé. Ça change de place la poussière. Et cinq minutes après, tout est classé. Ah, ah oui, mais quand c'est chez Zig, en bras de chemise qui fait le zig, il fout des nions au grenon de nom. Quelle distribution! On vous campe dans les oreilles, que les javas sont tous pareils. Et ben, ceux qui disent ça, c'est qu'ils connaissent pas c'est Zig et sa java. Vous pensez bien que Cézig ne sort pas d'une caisse de fic. Comme on demande partout qu'il passe n'importe quoi, c'est jamais pour des clous. Il pourrait tout comme les potes, faut mettre ça à la pelote. tout vient sur un tocard qui fait sur la pelouse grand coup de rafale garmon. Non, oh, une armée à la planta. On va voir sa Bugatti, ce mec gigolo. Il a un compte à la banque et une des petites crèches au bord de l'eau. Aussi quand on voit ses yeux en bras de chemise qui fait le zic, sans attiger, même les étrangers disent qu'il sait nager. On vous campe dans les oreilles, la vie n'est pas une merveille. Ben, ceux qui disent ça, c'est qu'ils connaissent pas Philippe et sa Java. Y esto es Ritz. On s'était quittés tous les deux, et brusquement, là c'est curieux, on se retrouve face à face. On croyait ne plus se revoir, puisqu'après une scène un soir, je t'ai dit par que tout s'efface. Maintenant que tout est bien fini et que nos cœurs se sont repris, ne pensons plus qu'aux jolis gestes. Causons en amis simplement, non ne pars pas, rien qu'un moment. Allons, voyons, je t'en prie, reste. Reste. Que nous parlions un peu du temps où nous étions heureux, car nous le fûmes, j'imagine. En cet instant, mon cœur ému vraiment ne se rappelle plus que de nos minutes divines. Le mal que nous nous sommes fait, petit à petit disparaît, lorsque j'évoque tout le reste. Ta main frémit entre mes doigts, tu te rappelles. Alors pourquoi vouloir t'en aller déjà? Reste. Reste, à moi qu'au fond de ton cœur, plus rien n'existe. J'en ai peur, ta vie serait-elle à une autre? Oui, alors tu ne m'aimes plus. Un nouvel amour est venu remplacer la trace d'une autre. Tu vas la retrouver ce soir, aussi quel désir, quel espoir en toi soudain se manifeste. Oh non, pas encore, je ne veux pas, tu n'iras pas entre ses bras, tu n'iras pas en temps, tu restes, reste. Oh pardon, je souffre trop, je suis lasse et je dis des mots qui te laissent voir ma détresse. Sans toi chaque nuit je pleurais, et te retrouvant, j'espérais au moins un élan de tendresse. Mais quoi, des larmes dans tes yeux, est-ce un remords, est-ce un adieu? Vois, je n'ai plus qu'un dernier geste, et c'est de t'offrir mon pauvre corps, où survit tout notre bonheur. Oh, chérie, tu restes, tu restes. Et pour último, Yema en Fus Pas Mal. Esto es Edith Piaf. Je suis né passage de la bonne graine, j'en ai pris de la graine et pour longtemps. Je travaille comme un chien toute la semaine, je vous jure que le patron il est content. Mes amis se sont mis en colère, c'est pas bien malin ce que tu fais là. Bon, ce qu'il faut, mais toi tu exagères, tu verras qu'un jour tu le regretteras. Je m'en fous pas mal, il peut m'arriver n'importe quoi, je m'en fous pas mal. J'ai mon dimanche qui est à moi, c'est peut-être banal, mais ce que les gens pensent de vous, ça m'est égal. Je m'en fous. Il y a les bords de la Seine, il y a l'avenue de l'Opéra,